Je vois le genre. Votre femme et vos gosses vous rendent dingue. Il vous faut un petit truc pour vous déstresser, avec un paquet de monstres à désinguer, je présume. Et on faisait une petite partie d'échecs. On dirait une sorte de jeu bizarroïde, tu as vu ? Qu'est-ce qu'il y a d'écrit ? Un jeu pour tous ceux qui espèrent laisser derrière eux leur univers ? Oh, c'est super cool ! C'est peut-être un jeu underground qui l'a débloqué. Drôle de jeu où pour gagner, il ne faut pas jouer. Aujourd'hui, Ludologie reprend pour son premier épisode de 2016 et l'on poursuit l'exploration de sujets a priori plutôt lointains du jeu. Effectivement, après avoir causé design au précédent épisode, on se penche pour ce 23e numéro sur la question de l'architecture. Alors c'est quoi le rapport, me direz-vous ? Eh bien, pour ne rien vous cacher, on ne le voyait pas vraiment jusqu'à rencontrer notre invité du jour. Il est passionné de jeux vidéo et d'architecture et on a plein de questions à lui poser sur les liens et les opportunités à faire naître entre les deux. Et puis bien évidemment, parce que c'est la recette habituelle du podcast, on va aussi élargir aux autres formes de jeux. Mais sans plus attendre, je passe le micro à notre invité qui va pouvoir se présenter, tout en n'oubliant bien sûr pas de vous souhaiter et de lui souhaiter tout d'abord une bonne année 2016. Bonjour, alors tout d'abord bonne année 2016. Alors Adrien Rey, tout jeune architecte diplômé en été 2015, actuellement en stage de fin d'études. Alors, pourquoi l'archi et le jeu vidéo ? Si on peut commencer par là. Question tout bête, en fait. Je suis passionné de jeux vidéo depuis mon enfance, comme pas mal d'autres personnes, et aussi d'architecture. Donc, voilà, une explication pas très très fondée. Hein. pour commencer, je vais peut-être parler du travail que j'ai déjà rédigé. Je vais commencer, en fait, durant tout ce que je vais présenter, je tiens à le préciser vraiment, je vais vraiment parler de mon expérience, de mon attitude face au jeu et de mon attitude face à l'architecture. Pourquoi ? Parce que je me base sur mes expériences, sur comment moi j'ai vécu ça, et j'ai pas encore le recul nécessaire, en fait, pour généraliser tout ce que j'ai été amené à penser pour généraliser mes expériences. Donc voilà, je préfère me mettre dans une position où je vais partager ce que j'ai vécu et libre à chacun d'y voir ou non des sujets où ils sont d'accord ou non. Et du coup, je vais avoir une première question pour entamer un peu le sujet. Déjà, pour défricher, en fait, par rapport au dernier podcast, tout simplement, quelle est la différence entre architecture et design ? Parce que ça peut être vite confondu, j'imagine. Oui, en effet. Je pense que dans un premier temps, je dirais que c'est une notion d'échelle. Le design, comme moi je l'entends, sans parler du design d'espace, où là j'ai un peu de mal à cerner ce domaine-là, pour moi le design, ce que j'entends, ça se rapproche vraiment à l'objet. Donc au toucher, à l'utilisable, et à quelque chose d'échelle humaine, en fait. Pour moi, du coup, l'architecture, on passe vraiment à une échelle supérieure, l'échelle de l'habitat. Donc on n'est pas sur un objet qu'on va pouvoir manipuler, entre guillemets, qu'on va pouvoir déplacer, qu'on va pouvoir... qui va devoir s'adapter à nos transports, etc. On est vraiment sur quelque chose à la fois de fixe, mais aussi qui a une dimension temporelle beaucoup plus importante. C'est-à-dire que aujourd'hui, on construit une maison, on essaie de la construire pour qu'elle dure environ 30, 40, 50 ans, et si on peut faire plus, c'est mieux. Donc voilà, on part vraiment sur une échelle et de temps et d'espace qui est complètement différente du design. Après, design et architecture se ressemblent sur pas mal de points, c'est-à-dire... la question du corps, c'est-à-dire comment on vit, comment un corps évolue dans un espace, comment un corps peut interagir avec un espace. Donc il y a pas mal de thématiques quand même qui se ressemblent avec le design. Du coup, toi, ton parcours, tu l'as formalisé dans un mémoire que tu as rendu l'année dernière. C'est le travail sur lequel on s'est basé aussi pour construire la discussion et puis l'interview de ce soir. Un mémoire où tu commences par parler de ton parcours de joueur et les liens que tu y fais avec ce qui fait que tu es devenu architecte aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce parcours ? Oui, volontiers. Alors, dans mon mémoire, justement, comme tu parlais, j'ai vraiment fait une étape pas à pas de ce qui m'a amené un peu, avec le regard que j'ai aujourd'hui, à passer du jeu vidéo à l'architecture. La première étape de cette avancée, pour moi, ça a été les Lego. C'est tout bête, j'ai toujours adoré les Lego, j'adore toujours les Lego. Pourquoi à l'époque j'ai adoré les Lego, je peux pas vous le dire. J'étais enfant et un enfant aime des jouets et d'autres non. Voilà, c'est tout. Non, mais après vraiment ce qui m'a plu dans les Lego, c'est que j'ai pu découvrir ce monde de la création, des volumes et de jouer justement avec ça. C'est tout con, mais effectivement les Lego c'est assez générique, mais il y a pas mal de façons de jouer aux Lego. Mon cousin, qui était fan de Lego comme moi, lui, son truc, c'était de faire des histoires, de raconter, je suis un chevalier, je vais ici, je vais là. Et moi, mon délire, c'était pas du tout ça, je ne crée aucune histoire, voilà, pourquoi, je sais pas. Et en fait, je faisais des tours, je faisais des vaisseaux, je faisais des pièges, sans aucun rapport les uns avec les autres. Et j'entassais tout ça dans ma chambre, ce qui faisait un joyeux bordel, comme pourrait le dire ma mère. et voilà, c'est par là que ça a commencé. Et vraiment, je me suis intéressé... Enfin, encore une fois, je le vois avec le regard d'aujourd'hui, je me suis intéressé tout de suite à créer des volumes, à créer des espaces, à créer des mécaniques, à créer des passages, des circulations, et de vraiment les expérimenter en live. La seconde étape, seconde étape marquante, on va dire, ça va être vraiment les Sims. Donc là, on dépasse le jeu pour rentrer vraiment dans le jeu vidéo. Donc qu'est-ce que m'a apporté les Sims ? À la fois pas mal de plus, mais à la fois aussi pas mal de moins, finalement. Parce que, avec les Sims, c'est là que j'ai vraiment commencé à m'intéresser à la fonction des espaces. C'est-à-dire qu'un espace peut être une cuisine, un salon, une entrée, et qu'en fonction des utilités, des fins de chaque espace, je n'allais pas les proportionner pareil. Et les Sims, c'est plutôt assez bien fait pour ça. On se rend rapidement compte, même qu'on a 10-12 ans, que quand on fait une cuisine qui fait la moitié de notre maison, ça ne marche pas très bien. Il y a un truc qui boite, qui cloche. Et donc du coup... comme une expérience un peu empirique des fonctions, on apprend un peu à organiser sa maison. C'est peut-être n'importe quoi pour un architecte qui regarde une maison des Sims, mais ça a une logique quand on est enfant. On s'est dit, bah oui, bien sûr, j'entre et je commence par la piscine, parce que moi, ce que j'aime faire quand j'entre à la maison, c'est aller à la piscine. Et on se rend compte, après coup, encore une fois, des logiques qui peuvent s'instaurer entre les différentes fonctions dans un espace de vie. Alors, ces fonctions, tu y fais référence dans ton mémoire sous le nom de programme, plutôt que de parler de différentes, quasiment plutôt que de parler de différentes pièces, tu parles de différents programmes. Ça a à voir avec le programme informatique. C'est quoi un programme en architecture ? J'imagine que c'est pas un terme sorti de nulle part. Alors non, pas du tout. Ça n'a rien à voir avec le modèle informatique. Un programme en architecture, c'est la fin utilitaire d'une pièce. Donc dans les programmes, on a cuisine, salon, salle à manger, salle d'eau, salle de bain. Et c'est voilà, on dit programme, c'est ce qu'il y a programmatiquement dans l'espace. C'est-à-dire que une cuisine, ça va être là où on va avoir les espaces de stockage de la nourriture, de transformation de la nourriture, etc. Donc ça n'a rien du tout à voir. On parle de programme et on parle de fin, de but, d'outils, plutôt de modules, comme les pièces. Moi, j'ai envie de prendre un autre passage de ton mémoire. où tu expliques les différences entre peut-être la maquette, l'utilisation, la fin, le but d'une maquette, et celle par exemple qu'on peut faire dans des modélisations de jeux vidéo. Je pense par exemple à Second Life qui, d'après ce que j'ai cru comprendre, peut être utilisé pour simuler par exemple des exercices d'incendie, etc., avec des bâtiments qui permettent de tester et d'éprouver la gestion de flux. Peut-être à quel outil correspond quelle fin pour modéliser un bâtiment? Et eh ben ça, c'est une très bonne question et c'est toute la question de mon mémoire. C'est quel outil permet de modéliser quelle fin? Et lorsqu'on veut réaliser un projet, le choix des outils est entièrement constitutif du résultat qu'on va obtenir. C'est pas quelque chose de neutre ou d'impartial. Du coup, vraiment, effectivement, c'est une bonne question parce que mon mémoire s'est un peu orienté là-dessus, c'est-à-dire... Et si on pouvait imaginer le jeu vidéo comme, allons-y gaiement, un outil pour penser, pour réfléchir l'architecture. Et je me suis dit, alors, quel genre d'outil? Qu'est-ce que ça va influencer dans l'architecture? Et quelles sont les caractéristiques de cet outil? Quelles sont les caractéristiques que cet outil va mettre en valeur? Parce qu'effectivement, j'en parle à un moment dans mon mémoire. En architecture, on utilise pas mal de médias différents. Donc vraiment, on a la maquette, les images numériques, on a les plans 2D. Et à chaque fois, ces médias expriment vraiment des côtés radicalement différents d'un même projet. Et donc, dans tout ça, personnellement, j'ai ressenti un manque. Et je me dis, peut-être que le jeu vidéo pourrait... combler ce manque, peut-être. Donc après, voilà. Après, on peut peut-être développer pour tout le mémoire, pour savoir de quoi il s'agit. Alors oui, on va développer, mais du coup, reprenons le mémoire là où on l'avait laissé aux Sims. Et pour en revenir aux Sims, tu disais que tu avais découvert des choses en bien et en moins bien. Effectivement, de ce que tu racontes, dans ce que tu découvres des Sims, c'est aussi quelque chose de très normatif, notamment via l'architecture. Totalement. En fait, ce que je me suis rendu compte, encore une fois, après coup, c'est que les Sims imposent vraiment un modèle latent d'organisation à la fois sociale, mais d'organisation aussi architecturale. C'est vrai qu'il est très difficile de réussir, si on peut réussir aux Sims, en étant un père célibataire au chômage dans un HLM. C'est pas le modèle que les Sims transmettent. Et c'est pas anodin, mais les Sims transmettent réellement un modèle social de la famille, famille atomique, voilà. Et ils transmettent aussi un modèle d'architecture, qui est le modèle pavillonnaire, comme quoi le modèle pavillonnaire serait la réussite sociale, serait le but auquel on doit accomplir. Et voilà, on se rend compte plus tard qu'il est assez difficile ensuite de se débarrasser de ce modèle. Et on se dit, mais ce modèle, il vient de très loin, il vient de quand j'avais 10 ans, quand je jouais aux Sims, ça commençait par là. Oui, il me semble que dans les Sims, c'est assez difficile de construire un immeuble. Je ne sais pas s'il y a des fonctions pour mettre des ascenseurs, par exemple, des choses comme ça. Eh ben non. Enfin, tout du moins, sur les Sims auxquels j'ai joué à l'époque, c'était pas possible. Déjà, je faisais 2 étages, je galérais. Et faire un logement collectif, faire un logement alternatif, qui serait complètement différent de ce qu'on connaît, c'est pas vraiment possible directement, à moins de chercher réellement aujourd'hui à faire précisément cette chose-là. Quand on est enfant, la plupart des enfants finissent par créer une maison pavillonnaire. Et puis, je crois que dans les Sims, il y a quelque chose qui se met en droite opposition à un des jeux que tu cites par la suite, c'est que quand on construit une maison dans les Sims, on joue seul et on construit sa maison seul. Or, d'autres structures sont apparues depuis, d'autres jeux sont apparus depuis, de construction notamment, où on travaille à plusieurs et où c'est même en partie l'essence du jeu. Tu cites un peu plus loin dans ton mémoire Minecraft, notamment, qui est quand même le jeu de construction informatique par essence. Ah oui, et c'est vrai qu'à chaque fois que je parle de mon sujet architecture et jeux vidéo, on me dit tout de suite « Ah, Minecraft !» Et en fait, moi, Minecraft, ça, j'ai bien aimé, mais ça ne m'a pas tant influencé que ça, en fait, parce que c'est venu effectivement assez tard. C'est-à-dire que j'avais déjà construit tout un imaginatif à travers d'autres jeux vidéo. Et alors, quand j'ai découvert Minecraft, effectivement, j'étais comme un fou. Je trouvais ça génial. On peut créer ensemble, construire ensemble. Effectivement. Après, je trouve qu'il y a d'autres jeux qui, justement, comme ils n'ont pas une visée de construction, ont une approche encore plus fine de l'espace. Effectivement, Minecraft, c'est très intéressant sur comment construire, se rendre compte de c'est quoi créer un espace étroit, c'est quoi créer un espace vaste, c'est quoi créer une circulation de 120 mètres de long. Et ça, c'est vrai que c'est des choses qu'on se rend compte dans Minecraft, de dire bah, c'est vachement long de marcher 33 minutes pour aller de sa salle de bain à sa cuisine. C'est con, mais c'est pas forcément... ce que je dis, c'est vraiment pas forcément inné. Je m'en suis rendu compte, par exemple, en faisant quelques stages où des clients viennent pour construire une maison réelle, concrète, viennent avec des plans d'ambition de ce qu'ils veulent. Et ça a leur logique, comme pour les Lego, ça a leur logique. Mais concrètement, ça marche pas. J'ai vu des personnes mettre des couloirs de 15 mètres au milieu de leur maison. Tu dis, peut-être que si tu avais joué à Minecraft, tu te serais dit, c'est long. Mais effectivement, oui, Minecraft, c'est vraiment intéressant. Mais je trouve que c'était pas le plus intéressant des jeux auxquels j'ai joué. Le cas de Minecraft est intéressant parce que en fait, il offre une liberté avec des contraintes et c'est, là-dessus, c'est assez pertinent. Mais justement, on a vu peut-être le potentiel et les limites du jeu vidéo. Mais quelles sont les limites et les potentiels des autres supports que vous utilisez ? On a parlé de la modélisation 3D, des plans, etc. Quels sont leurs avantages et leurs inconvénients par rapport, on a parlé du jeu vidéo, mais peut-être du jeu de société, du Lego ? Si on reprend un peu les modèles qu'on utilise, en premier temps et un peu de manière historique, on utilise la maquette. Donc la maquette, encore une fois, ça c'est mon avis. C'est-à-dire que d'autres architectes peuvent me fusiller pour ce que je vais dire. Je m'en fiche, c'est ce que je pense. Pour moi, la maquette, ça marche très bien quand on la regarde de haut, c'est un bel objet. C'est-à-dire qu'on apprécie le bâtiment dans son ensemble. On peut regarder un peu à l'intérieur, essayer de se projeter dans les grands espaces. Mais la maquette ne permet pas d'expérimenter vraiment l'espace. C'est-à-dire qu'on va voir l'entrée, très bien, mais on ne va pas voir comment le petit couloir, on passe des toilettes à la chambre, comment... voilà, on peut toujours se projeter. On peut ressentir des atmosphères, des grandes atmosphères générales, mais on ne peut pas expérimenter vraiment pour moi, les petits espaces, les choses qu'on n'a pas prévues, justement, les imprévus dans l'architecture. Et donc, pour moi, la maquette, ça reste quand même un objet qu'on regarde d'en haut. Donc, ça a son utilité, mais ça a ses limites. C'est-à-dire qu'un projet, en vrai, eh ben, on n'est pas tous dans des avions, on ne les regarde pas tous d'en haut. Donc, des fois, il y a ce paradoxe entre, justement, le bel objet et l'espace qu'on va pratiquer en vrai. Le dessin, alors s'il y a deux choses à différencier, il y a les perspectives 3D, où là l'architecte va choisir un point de vue à exposer et montrer une portion de l'espace et dire voilà, ici c'est comme ça. Et dans une belle image, on va pouvoir montrer des détails, on va pouvoir montrer comment des volumes s'assemblent à un point donné. La limite, si je peux parler d'image encore et de limite, c'est qu'on n'a qu'une image. Et qu'on n'a pas la transition des espaces. C'est pas quelque chose de... On peut toujours se projeter, encore une fois, mais c'est pas dynamique. On va pas voir que quand on se retourne, bah, on a une porte derrière nous. Et voilà, c'est vraiment... De toute manière, ce que je trouve, c'est que maquette, image 3D et plan, c'est des documents qui sont léchés, ce qu'on dit dans le... Enfin, ils sont finis, ils sont propres. Il n'y a aucun défaut quand on les présente. En vrai, si, il y en a, parce qu'on fait toujours des boulettes, mais il est censé pas avoir de défaut. Donc du coup, l'architecte maîtrise totalement la perception que vous allez avoir de son bâtiment. Mais en vrai, c'est pas ça. En vrai, quand quelqu'un rentre dans un projet, dans une maison, l'architecte, il n'est pas derrière pour lui chuchoter à l'oreille. Hey, regarde, derrière, il y a une porte, c'est cool. Du coup, je trouve que c'est un peu... C'est pas très honnête par rapport à la démarche du projet. C'est un peu montrer les bons côtés. Et donc justement, dans la façon qui permet de montrer tous les côtés, je crois que ta rencontre suivante en jeu vidéo a été... Enfin, en tout cas, ça semble une des plus fondatrices. C'est Counter-Strike et puis le FPS, quoi. Totalement. Totalement. Parce qu'effectivement, on est dans des espaces, dans Counter-Strike Source, donc j'ai joué au premier, et j'appréciais tout particulièrement, je ne sais pas si vous voyez, les maps orange, c'est tout orange, c'était des grands volumes carrés. Moi, ça me parle beaucoup, mais j'ai plus les noms en tête. Bref, ces genres de cartes-là n'étaient pas très grandes, elles étaient assez petites, assez resserrées, et les volumes étaient très simples. C'était des carrés avec des ouvertures et un niveau. Et ce qui m'a plu dans ces cartes-là, c'est le fait d'y rejouer, d'y rejouer, d'y re-rejouer. Et on connaissait les cartes par cœur, ce qui fait qu'on faisait des pré-shots, ce qu'on appelait. C'est-à-dire qu'on tirait avant de se déplacer, parce qu'on savait que derrière, il y avait un escalier, et qu'on savait que c'était un passage régulièrement emprunté. Et donc, du coup, on jouait plus dans sa tête qu'à l'écran au final. Et je trouvais ça assez... Enfin, aujourd'hui, à l'époque, effectivement, je ne m'en rendais pas forcément compte. Aujourd'hui, je trouve ça assez impressionnant de voir comment les joueurs peuvent faire transpirer réellement un espace, c'est-à-dire qu'ils vont l'explorer, mais chaque centimètre carré de la map, explorer le moindre endroit accessible, statistiquement accessible, sera... exploré par un joueur, tellement il y a de joueurs à jouer sur ces maps et tellement ils peuvent y jouer longtemps. Autre exemple très connu où les gens s'approprient l'espace et jusqu'à le connaître par cœur, c'est le cas des GTA où on commence parfois à reconnaître des quartiers, etc. Et à savoir, ah tiens, je sais que si je prends à droite, ça va embêter les policiers, etc. Ça demande peut-être un autre exercice que de créer un milieu clos faussement ouvert. Peut-être quelles sont les contraintes aussi de ces systèmes au niveau spatial? Alors, ce que je vois là, moi, la différence vraiment assez importante entre GTA et Counter-Strike, c'est qu'ils ne parlent pas du tout de la même échelle déjà. Et donc, du coup, dans notre cerveau, il ne parle pas du tout à la même personne, si on peut dire. Counter-Strike Source, c'est vraiment des petites cartes. Et donc, les cartes dont lesquelles je parlais sont tout oranges, sont complètement abstraites. Il y a deux matières. Une matière orange pour les murs et une matière grise pour le sol. C'est tout. Donc, du coup, on projette pas dessus des affects personnels. Dire genre, oh, c'est une maison, on dirait la maison de ma grand-mère. On ne ressent rien. Enfin, on peut ressentir des choses, mais on ne projette pas des modèles latents déjà présents dans notre existence. Là où GTA est très fort pour ça, c'est qu'ils ont réussi à créer, par exemple, avec Liberty City, une ville qui représente mais quasiment trait pour trait New York, sans y ressembler physiquement du tout. Enfin, ils ont pu transmettre l'essence d'une ville, et on la voit, on a l'impression de connaître la ville, parce qu'on sait déjà ce que c'est qu'une ville. On ne sait pas forcément ce qu'est une ville américaine, mais on l'imagine tout à fait, on se projette tout à fait, et on pourrait se dire tout à fait, cette ville existe en vrai. Et GTA est vraiment assez, assez poussé dans cette fusion, en fait. Je ne sais plus qui avait parlé de ça dans le bouquin « Espace et temps des jeux vidéo ». Il disait que Liberty City était en fait un patchwork d'impressions... sensible d'une ville, que Liberty City rassemblait en un espace assez concentré toutes les émotions et tout ce qu'on peut ressentir en explorant et en traversant New York. Et ce, à une moindre échelle, pour que le joueur puisse l'explorer assez facilement. Et donc, du coup, l'espace de GTA est vraiment un espace à référence. C'est-à-dire que c'est pas un espace qui existe seul. Il existe parce que New York existe. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Alors que pour le coup, les cartes dont tu parles dans Counter-Strike Source, elles n'ont pas de référence. C'est vraiment ce qui t'intéresse dedans, c'est l'agencement des espaces et l'expérience qu'en fait le joueur. Oui, tout à fait, parce qu'on... Donc, c'est pas vrai pour toutes les cartes, parce qu'il y a des cartes réalistes dans Counter-Strike Source aussi. Celle-là m'intéresse moins, c'est vrai. Mais effectivement, ce qui m'intéresse, c'est ces genres de cartes complètement abstraites qui ne te disent pas ça c'est un immeuble, ça c'est une maison. Ils te disent juste là tu peux monter, là tu peux voir, là tu peux marcher, là tu peux pas. Et donc du coup je trouve ça vraiment intéressant parce que le joueur va vraiment pas avoir d'a priori sur les espaces et va vraiment les pratiquer et va lui-même par sa pratique lui donner des sens. Ce qu'on voit sur Counter-Strike Source c'est que c'est des jeux, donc c'est des FPS, donc en fait, quand on voit un joueur, on peut le viser, donc on peut le toucher. Donc la vue est extrêmement exacerbée dans ces espaces, et c'est là que c'est très intéressant, c'est parce que la vue, du coup, va diriger tout le sentiment qu'on peut avoir d'un espace, c'est-à-dire qu'on peut se sentir à l'abri ou exposé, et ce par la vue, et c'est l'expérience du joueur qui va faire qu'il va reconnaître les espaces exposés, ou les espaces protégés. Ça ne va pas être indiqué sur la carte, là tu es en sécurité, là tu ne l'es pas. C'est vraiment par sa pratique qu'il va découvrir que mais là on me voit de partout, donc on peut me toucher. Au contraire, là je suis plutôt confiné, j'ai juste une petite ouverture. Moi je peux voir les autres ils ne peuvent pas trop me voir, je me sens plus en sécurité. Et du coup on va attacher aux espaces non pas des souvenirs, ou c'est une cuisine, c'est... On va attacher à l'espace des sentiments vraiment de sécurité, d'exposition, de passage rapide, ou de vraiment, ici c'est un espace où il faut que je me dépêche, parce que je sais que je peux monter, et je sais que si je monte, je me fais voir. Des sentiments, et aussi, surtout des pratiques, je pense que c'est aussi ça, ce qui fait la spécificité du jeu en général. C'est vrai qu'on parle beaucoup de jeux vidéo, mais c'est aussi le cas dans le jeu de société ou dans le jeu de rôle par exemple. Et ce qui est intéressant avec le jeu et l'architecture, c'est que l'espace il est pas neutre, il est fait de lois, de règles. Et comme d'ailleurs tu dis à un moment dans ton mémoire, la loi et la règle indiquent l'appartenance d'un ou des espaces. Comme quoi, voilà, je suis dans tel espace, du coup je sais que je suis soumis à telle règle. Mais justement, comment ça se configure en tant qu'architecte pour montrer ce qu'on appelle l'affordance, justement ? Bah tiens, le métro, il s'utilise de telle manière sans avoir besoin de mots, juste avec l'espace. Et bien souvent, c'est pas nous qui faisons ça, c'est vous. En fait, on construit des espaces, mais on construit des espaces dans une société qui est établie depuis très longtemps, avec des modèles latents, et tout comme vous, on connaît ces modèles. C'est-à-dire que, effectivement, il y a un truc tout con, c'est que quand on rentre dans une salle de cinéma, on passe par un petit espace, un petit couloir qui est tapissé du sol au plafond, tout noir, sans presque pas de lumière. Et vous regarderez la prochaine fois que vous irez des amis, vous êtes en dehors de la salle, vous riez fort, vous parlez fort, vous rentrez dans le couloir, vous chuchotez. Il n'y a rien qui vous dit de chuchoter. Vous n'êtes pas obligé de chuchoter, le film n'a pas commencé, il n'y a pas de raison de chuchoter. Mais vous chuchotez. Pourquoi vous chuchotez ? Parce que vous êtes dans un espace plus restreint, plus sombre, parce que vous êtes allé 1000 fois dans un cinéma, et qu'à chaque fois que vous allez dans un cinéma, dans l'entrée, vos parents y chuchotaient, vos amis chuchotaient. Donc vous chuchotez. Et en architecture, les modèles latents, il n'y a que ça. On ne sait pas faire un espace qui soit complètement dépourvu de cette grille de lecture qu'on a. Et c'est ça, ça c'est un point assez important que m'a poussé à réfléchir le jeu vidéo. C'est justement cette grille de lecture qu'on rapporte sur l'espace. Et ça questionne vraiment l'essence même de ce qu'est un espace réel, comme on l'entend, de ce qu'est un espace ordinaire ou ce qu'est un espace virtuel. Là, je vais attaquer un sujet où on va s'éloigner un peu du jeu vidéo, mais je trouve que c'est vraiment important d'en parler. c'est justement ces notions espace virtuel, espace ordinaire, espace réel. Est-ce que ça s'oppose? Est-ce que c'est la même chose? Qu'est-ce que c'est en fait? Pour commencer, on peut décrire déjà l'espace physique comme une base. L'espace physique, c'est tout ce qui est composé de matière, d'atomes, c'est ce qu'on peut toucher, etc. Mais là où il ne faut pas faire d'amalgame, c'est qu'il y a une différence entre l'espace physique et l'espace ordinaire. Pour moi, l'espace ordinaire, c'est l'espace qu'on voit, c'est l'espace dans lequel on vit. Et là où il est plus qu'un espace ordinaire, qu'un espace physique, c'est parce que par-dessus l'espace physique, on va rajouter une grille de lecture, on va rajouter justement ces modèles latents, ces codes sociétaux, qui fait qu'on ne lit pas l'espace physique tel qu'il est physiquement. C'est pour ça qu'un panneau stop, on ne se dit pas « Tiens, une planche de métal rouge avec de la peinture blanche. » On se dit « C'est un panneau stop. » Et parce qu'on a des codes, parce qu'on a une éducation qui nous disent que ça, c'est un panneau stop et que là, on doit s'arrêter. Donc on ne lit pas l'espace simplement physiquement, on le lit en rajoutant une grille de lecture par-dessus. Donc déjà, on peut dire que ça, c'est l'espace ordinaire. Et donc, on ne peut pas réduire déjà l'espace réel à dire genre, c'est l'espace qu'on peut toucher. C'est pas que ça. Pour continuer, on peut essayer de déterminer ce qu'est l'espace virtuel. Là, c'est assez cossu. Pour moi, l'espace virtuel, c'est vraiment l'espace possible. C'est l'espace des possibles. Et pour moi, le premier niveau de l'espace virtuel, à vrai dire, c'est l'espace qu'on voit dans le miroir. C'est-à-dire que c'est un espace, on le voit, on s'y projette tout à fait. C'est un espace qui est complètement possible. On pourrait y aller, mais on ne peut pas. Donc, il reste virtuel, il ne peut pas être concret parce qu'on... On ne traverse pas le miroir, tout simplement. Et du coup, est-ce que le jeu vidéo appartient à l'espace virtuel? J'ai envie de dire oui, parce qu'on ne peut pas s'y projeter, enfin, y accéder physiquement. Mais est-ce que l'espace réel est complètement dépourvu d'espace virtuel? Ça, c'est une autre question. Pour ça, on va attaquer un bon morceau aussi. Je vais reprendre mes notes. C'est essayer de définir... Qu'est-ce que l'espace réel? Donc là, je vais faire pas mal de citations sur lesquelles j'ai appuyé ma réflexion. On peut commencer par Lefebvre, qui a établi une tripartition de l'espace. Donc Lefebvre, il parle que l'espace réel, c'est en fait l'espace des pratiques, les représentations de l'espace et l'espace des représentations. Donc, l'espace des pratiques... C'est l'espace du vécu, des faits, donc ça pourrait s'assimiler à l'espace ordinaire. Les représentations de l'espace, c'est l'espace qui est conçu. C'est l'espace sur lequel on impose une grille de lecture par-dessus. Donc, pour imager rapidement, c'est l'espace des concepteurs. C'est l'espace des architectes, des designers. C'est-à-dire qu'on parle d'un espace qui est potentiellement applicable dans l'espace des pratiques. Et l'espace des représentations, c'est l'espace qui est vécu par chacun de nous au travers des projections et des symboles. C'est l'espace qu'on va contempler dans un tableau, par exemple. C'est un espace qui n'a pas de vocation à être appliqué concrètement, mais c'est un espace dans lequel on se projette. C'est-à-dire qu'on imagine tout à fait dans un tableau pouvoir passer derrière l'arbre. Donc c'est ça qu'on appelle l'espace des représentations. Donc pour le faire, c'est ces trois niveaux de l'espace qui s'imbriquent et qui créent l'espace réel. Après, on peut toujours être un peu sur une définition un peu floue, se dire « bon, je ne comprends pas trop ce qu'est l'espace réel en fait ». Et on peut se reporter à la seule chose dont on est sûr que c'est réel, c'est nous-mêmes. Moi, je sais que je suis réel, toi j'en sais rien. Toi, je sais pas si cette chaise est réelle, je sais pas si mes chaussures sont réelles, mais moi, je pense dans ma tête, je sais que je suis réel. Et du coup, on peut de là partir sur les réflexions de Kant, qui parle dans son livre de la critique de la raison pure. Alors, je vais sortir une phrase un peu chiante, un peu pompeuse, mais on va l'expliquer après. Donc Kant dit... L'espace n'est autre chose que la forme de tous les phénomènes d'essence extérieure, c'est-à-dire la condition subjective de la sensibilité sous laquelle seule nous est possible une intuition extérieure. J'ai lu cette phrase 20 fois avant de péter un seul truc de ce qu'il veut dire. Ce que j'en ai compris, encore une fois, je ne suis pas un spécialiste de Kant, donc d'autres spécialistes de Kant vont peut-être me fusiller par mon interprétation, mais je m'en fiche. Donc pour moi, en fait, ce que veut dire par là Kant, c'est que l'espace, c'est la somme de nos perceptions extérieures. C'est-à-dire que l'espace, c'est ce que je vois, ce que je touche, ce que je sens, mais tout ça, c'est que des perceptions. On pourrait imaginer que c'est simplement des impulsions électriques dans mon cerveau qui créent cet espace. Qu'au final, l'espace n'existerait pas en tant que tel. Il existerait parce que je le vois. Ça reprend un peu des thématiques du chat Schrödinger ou des choses comme ça, où l'existence de quelque chose n'est déterminée que parce que quelqu'un y assiste. C'est un peu aussi le mythe de Matrix. C'est se dire que si je vois, si je sens, je touche, ça existe. C'est réel, même si, dans le fond, ça se trouve, c'est juste une information qu'on m'envoie. Donc, voilà. Et pour faire une bonne petite démonstration bien tirée par les cheveux, on peut sortir la définition du réel par le Centre National des Ressources Textuelles et Lexicales. Alors, ce centre des définitions, en gros, nous dit que est réel ce qui existe d'une manière autonome, qui n'est pas un produit de la pensée et qui est dégagé de la subjectivité du sujet. Alors qu'on vient de dire que l'espace, c'était la somme de nos perceptions, donc était intimement liée à nous-mêmes, au sujet. Donc au final, l'espace n'est pas réel. Donc c'est une démonstration qui ne veut rien dire, mais tout ça c'est juste pour mettre en exergue le fait que l'espace réel n'est qu'un consensus. C'est une idée commune qu'on se fait de ce qui peut exister, mais cette idée est souvent étriquée à l'espace ordinaire. Mais pourtant, un espace où on se projette, où on a des sentiments, où on a une expérience, peut tout à fait être un espace réel à partir du moment où on se dit que l'expérience que j'ai vécue dans cet espace est réelle, est concrète, pourquoi l'espace lui-même ne l'est pas aussi. Ça rejoint des choses dont on a pu discuter avec des invités précédents, notamment avec Thomas B, qui nous parlait de son expérience du jeu de rôle Grandeur Nature, où pour le coup, un espace communément admis comme réel, puisque tangible, en tout cas, si ça peut servir de facteur déterminant à l'heure actuelle, pour le coup, il était capable de... Enfin, il faisait pas... Il nous expliquait qu'en faisant du jeu de rôle Grandeur Nature, on produit un espace fictionnel à partir d'un espace réel, puisqu'on transforme un lieu existant réellement en l'investissant d'une histoire en autre chose. On transforme, dans les exemples qu'il nous avait donné, un vieux bateau russe en vaisseau spatial dans Battlestar Galactica. Effectivement, pour le coup, on peut y projeter, surtout si les conditions tangibles, météorologiques, température, tout ça s'y prêtent, on peut très facilement projeter des choses assez réelles du coup de ce point de vue là. Toi, c'est quelque chose dont tu parles aussi effectivement dans ton mémoire, de cette tangibilité, de comment on ressent des espaces, comment on les traverse. Tu en soulèves aussi des limites, notamment dans l'expérience du jeu vidéo, parlant du fait que, alors il y a deux éléments symptomatiques. Le premier, c'est le fait que dans un jeu vidéo, la plupart du temps, et dans un jeu de façon générale, tout est utilitaire, c'est-à-dire qu'on ne place pas un objet parce qu'il n'a pas d'influence dans le jeu. Il doit toujours avoir une raison d'exister à tel endroit qui est cohérente avec l'usage qu'on va faire du jeu dans son ensemble, ce qui rejoint les problématiques d'affordance qu'Adrien évoquait un petit peu plus tôt et qui sont aussi évoquées dans ton mémoire. Et puis la deuxième, c'est la relation au son, qui est un petit peu évoquée, qui par qui joue de l'expérience qu'on a d'un lieu, parce qu'effectivement, on ne l'expérimente pas que par la vue, on l'expérimente par les autres sens. Et tu signales bien que le son peut... alors, est plus perceptible dans un jeu vidéo que sur une maquette ou une vue 3D, mais on en perçoit encore les limites. Tu évoques à un moment, par exemple, l'effet de majesté que provoque sur un visiteur la cathédrale de Notre-Dame, et comment, quand on joue à Assassin's Creed Unity et qu'on rentre dans la cathédrale, on a beaucoup moins cet effet. Je suis assez tenté de penser que la capacité du lieu à résonner, les températures, il y a plein d'éléments qui peuvent jouer aussi sur effectivement des sensations qui manquent et que ces espaces virtuels, à l'heure actuelle, ne sont pas en mesure de nous proposer. Et c'est peut-être ça aussi qui fait le hiatus entre l'espace réel dans lequel... Si, voilà, alors maintenant, je ne sais plus comment le dire. Mais l'espace dans lequel on est habitué à circuler et les sentiments qu'il provoque et les espaces virtuels qu'on peut traverser dans des jeux vidéo. Alors oui, tout à fait. Et je pense que, effectivement, le son a son importance, mais on peut très bien imaginer que techniquement, on arrive à recréer les mêmes ambiances sonores. Je pense que ce qui manque réellement aux jeux vidéo, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, la charge sociétale. C'est-à-dire que aujourd'hui, architectes, nous construisons dans un monde qui est fait, qui est comme il est, et qui n'est pas neutre. On ne construit pas un espace, on ne construit pas une pièce à but religieux comme on construit une pièce à but de réfectoire. Et effectivement, là où le jeu permet d'avoir une vision totalement différente et, je dirais peut-être biaisée des espaces, c'est qu'on n'a pas cette charge sociale dans le jeu vidéo. Quand dans Assassin's Creed, on se balade dans Notre-Dame, c'est pour buter des gens, c'est pas pour aller prier, c'est pas pour se dire « je me recueille en famille, blablabla ». Alors, loin de moi toute préoccupation religieuse, mais il est vrai que église, cathédrale, mosquée et autres temples religieux imposent une tenue, en fait, imposent une façon d'agir. C'est pareil que l'exemple du cinéma, quand on rentre dans Notre-Dame ou dans n'importe quelle église ou mosquée ou je ne sais quel autre temple, je ne vais pas le dire à chaque fois, on chuchote, on ne crie pas, et pourtant ça résonne, ce serait marrant de crier, mais on ne crie pas. Et pourtant personne nous dit de ne pas crier. Mais c'est la charge sociétale qui nous dit c'est un lieu de religion, c'est un lieu sacré, on doit respecter ce lieu, on doit se faire plus petit parce qu'il y a une autorité suprême qui est la divinité, etc. Dans le jeu vidéo, on n'a pas ça. On ne parle pas aux joueurs, pas encore. Peut-être demain, on aura des jeux religieux, je ne sais pas. Mais on n'a pas encore dans le jeu ce genre de charge. On n'entre pas... dans des espaces avec la même charge, j'ai pas d'autres mots. Mais effectivement, comme dans le jeu vidéo, on n'a pas nos besoins aussi naturels de manger, de famille, de se reposer, etc. On n'a pas tout ce qui va avec. C'est-à-dire que quand on rentre dans une cuisine, on n'est pas en train de se dire bah, tiens, je vais me poser là pour manger, ça va être sympa, etc. On rentre dans la cuisine, on va ouvrir les frigos, on va ouvrir tous les placards à la recherche d'un indice, à la recherche de provisions, à la recherche d'argent, etc. On n'est pas du tout dans les mêmes préoccupations, donc on ne peut pas aborder l'espace pareil. Et pour moi, effectivement, la limite du jeu vidéo, c'est les espaces semblables. Il faut arrêter de... Enfin, pour moi, encore une fois, il faut arrêter de croire qu'une cuisine ou qu'un salon ou qu'une maison dans un jeu vidéo, c'est la même chose qu'une maison en vrai. C'est faux. On n'habite pas un jeu vidéo. J'ai beau aimer les jeux vidéo de tout mon cœur, non, c'est pas possible. Et donc du coup, pour moi, ces espaces-là sont finalement du coup peu intéressants dans le jeu vidéo. C'est pour ça que je me rapproche des cartes de CSS complètement abstraites où il y a une forme d'honnêteté, c'est-à-dire on n'essaye pas de vous coller une histoire, de vous dire quelque chose sur l'espace, on vous offre l'espace. Il est comme ça, il est libre, vous n'avez pas à vous dire... tiens, c'est une cuisine, je dois faire ça. Non, on vous offre l'espace et allez-y, pratiquez. Et pour moi, il est là la vérité du jeu vidéo. C'est qu'on pratique, c'est qu'on expérimente, c'est qu'on passe d'un espace à l'autre, c'est qu'on se dit que tiens, là, c'est serré, on passe pas à deux, ou tiens, là, c'est large, je vois plus mes potes, des choses comme ça. Parce que tout est réglé dans la façon dont on est. C'est pareil, Dans la réalité, on ne voit pas un écran de 30 degrés devant nous. Ce serait assez chiant, imaginez, pour faire les créneaux. Non, dans le jeu vidéo, si, par contre, et ça implique plein de choses. Pour reprendre un jeu célèbre, World of Warcraft, dans sa gestion de l'espace, pour moi, il est vraiment assez fin et il a compris ce que c'est que l'espace dans un jeu vidéo. C'est-à-dire qu'au début, on est un seul joueur, on commence dans un petit village, les espaces sont petits, on a des petits espaces, des petites huttes. Et plus on avance dans l'aventure, plus on monte de niveau, plus on rentre dans des instances avec des salles gigantesques, immenses. Et on se dit, il n'y aurait même pas forcément besoin de tout cet espace pour mettre un boss et 15 Pékins. Mais en fait, si, parce qu'on s'éloigne, on a un degré de, une vision que de 30 degrés. Donc si on veut voir nos boss, plus nos alliés qui sont en train de soigner, qui sont à côté, qui se sont écartés du boss pour ne pas se faire taper, et ben on a besoin de beaucoup de recul, donc on a besoin d'espaces gigantesques. Et c'est là que ça justifie tous les espaces de World of Warcraft, et qu'ils n'ont pas besoin de se justifier à dire on fait ça parce que tatati, tatata, c'est un grand boss. Non, juste ils le donnent, ils se justifient même pas eux-mêmes et ils n'en ont pas besoin. C'est la pratique qui le justifie. Vous allez me traiter de monomaniaque, mais... La pratique est la règle, en fait. Voilà. Enfin, là, je pose plus une remarque que qu'une vraie question. C'est, en fait, moi, je vois des choses, effectivement, World of Warcraft, Counter-Strike, Minecraft, ou plein d'autres, en fait, pourraient être des expériences totalement abstraites. Et c'est juste qu'il y a une tendance au photoréalisme et à la réappropriation, on l'a évoqué. Mais un autre truc très, très bête que je vois dans l'évocation de lieux religieux, en fait, c'est l'air. Mais l'air, en sens, l'odeur, l'atmosphère, etc. Et tu parlais de charge, effectivement, les temples, les lieux, quels qu'ils soient. Par exemple, là, nous sommes dans un salon, du coup, il n'y a pas la même odeur, il n'y a pas les mêmes, entre guillemets, il n'y a pas la même texture d'air. Voilà, par exemple, je pense à cette expérience que m'a raconté un proche qui allait dans une église au Mexique. C'est voilà, l'air était enfumé parce que effectivement on brûlait de l'encens, etc. Et ça, c'est quelque chose que le numérique aura beaucoup de mal à représenter, et qu'on peut peut-être effectivement trouver plus dans le jeu de rôle grandeur nature. Mais là encore, la règle fait que cette expérience n'est censée ne pas avoir d'impact sur nos vies, et du coup diminue l'expérience sensorielle. C'est, voilà, c'était juste une remarque comme ça. Je crois que Manu veut réagir. Je prolongeais ça d'une question. À l'heure actuelle, tu parlais d'écran de 30 degrés. On a quand même des technologies intéressantes qui commencent à débarquer sur nos marchés, à commencer par l'Oculus Rift. A priori, j'imagine que dans ton regard et dans la pratique que tu as pu avoir, tu dois bien y avoir un petit peu réfléchi et voir comment c'est des systèmes techniques qui vont aussi changer des pratiques et peut-être du coup changer des pratiques liées à l'architecture. On va pouvoir après avancer un petit peu sur les suggestions que tu fais. Ah oui, je trouve ça d'ailleurs assez intéressant, mais je trouve que pour le moment, ça reste gadget. Le jour où on arrive, comme dans Matrix, à te plonger dans un espace, et bien pour moi, ce sera plus des espaces virtuels, ce sera des espaces réels. D'une autre forme, mais ce sera des espaces réels. Et pour le moment, les jeux vidéo, ça reste quand même des espaces virtuels. C'est-à-dire qu'on a beau essayer de combler peu à peu les sens qui nous manquent, même si on arrive à combler les 5 sens qu'on a de base, et en fait, on n'a pas que 5 sens. On a plein de sens. On a le sens de l'équilibre, le sens de la douleur, de la chaleur, et voilà, il faudrait encore beaucoup, beaucoup de travail pour arriver à un espace qui soit vraiment semblable. Mais à l'heure d'aujourd'hui, pour moi, ça n'a pas d'intérêt. Je veux dire, ça a l'intérêt, c'est génial, on pourrait se balader en vrai dans nos espaces de jeux vidéo, ce serait waouh. Mais je veux dire, dans ma pratique d'initié à l'architecture, on va dire, l'intérêt, c'est de voir surtout, comme pour revenir tout à l'heure, un nouveau média et une nouvelle forme d'expression sur un projet. Oui. Une nouvelle forme d'expression sur un projet. Parce que contrairement à tous les autres médias, le jeu vidéo a ça de fort qu'il est vraiment dynamique et interactif. Et ça, on le retrouve peu ou presque pas dans les autres médias. Alors, il y a le film. certes, le film est dynamique, mais pour moi, le film n'est pas interactif. Si t'arrêtes de regarder le film continue. Si t'arrêtes de jouer aux jeux vidéo, le jeu, il s'arrête. Généralement. Encore une fois. Généralement. Mais voilà, pour moi, c'est ça, cette force. Et c'est aussi que dans le jeu vidéo, on ne prévoit pas tout. On ne peut pas prévoir toutes les actions et tous les déplacements d'un joueur. À moins de faire un jeu hyper scripté. Est-ce que c'est encore un jeu? Voilà. C'est pas forcément. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, ça apporte le jeu vidéo avec tous ses inconvénients, avec tous ses défauts, il apporte quand même une nouvelle vision, une nouvelle manière de voir l'espace. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans un espace où on va voir image par image ou morceau de modèle par morceau de modèle. On va appréhender tout l'espace d'un coup par la pratique. Et on va même pas forcément s'arrêter à se dire « Ah, regarde, là c'est beau, non, on va courir parce qu'il faut aller vite. » Et à force de le refaire 100 fois, on va se dire « Finalement, elle est bien cette circulation parce que quand j'arrive au bout, bah, je vois où je veux aller et donc du coup, je sais qu'il faut que je prenne à droite, à gauche et tout ça. » Et ça, c'est des choses pratiques, c'est des choses qui ne s'apprécient pas en un seul regard. Et c'est ça qui est fort dans le jeu vidéo, c'est qu'il persiste, c'est un média persistant. Le seul média persistant qu'on a en architecture, on a les plans, les images, les maquettes, on va pouvoir les regarder 100 fois, effectivement. Mais on va regarder 100 fois la même chose. Dans un jeu vidéo, si on y joue 100 fois, on peut faire 100 fois un trajet différent. Ne serait-ce qu'un petit peu différent, mais on peut se dire, bah tiens, non, là j'ai pas envie de passer par là, je m'arrête. Ou alors, tiens, si je m'arrêtais une demi-heure là, regarder, camper. Effectivement, et c'est des choses qu'on n'a pas dans d'autres médias, et c'est ça que je trouve intéressant. Alors, après, est-ce qu'on peut vraiment utiliser le jeu vidéo comme un média de l'architecture? C'est là où on arrive à une question délicate, c'est en fait la question technique, simplement. C'est que des images, des maquettes, finalement, on arrive à produire ça assez vite. Une journée, deux journées, allez, une semaine, vraiment, quand on a un gros truc. La même chose en jeu vidéo, c'est beaucoup plus compliqué. Aujourd'hui, c'est même pas possible. Pour moi, en tout cas, c'est juste infaisable. Et donc, du coup, on a quand même cette contrainte et ça reste théorique. C'est-à-dire que moi, j'aimerais bien utiliser le jeu vidéo comme médium de l'architecture. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je crée un projet, j'aurais envie de le créer dans ma tête comme une map de CSS et de jouer dedans pour voir ce qui va, ce qui va pas, pour me dire que une circulation elle est efficace ou elle l'est pas, pour me dire que un espace il y a une bonne transition avec l'autre ou pas. Sauf que je peux pas pour le moment parce que j'ai pas le niveau de conception suffisant et ça prendrait trop de temps et ça rentre pas dans une dynamique économique comme l'est l'architecture aujourd'hui. Mais t'as jamais été tenté d'utiliser des éditeurs de map, parce que ça existe depuis un petit moment quand même cette histoire de mémoire et j'imagine bien qu'il y a une courbe d'apprentissage pour maîtriser les outils. J'imagine qu'AutoCAD aussi nécessite une petite courbe d'apprentissage. AutoCAD pour nos éditeurs, c'est un logiciel qui sert beaucoup pour les architectes pour justement faire des représentations 3D des bâtiments qui sont conçus. Mais du coup, enfin, j'imagine que soit en le faisant soi-même, en apprenant à le faire, soit en se mettant en cheville avec quelqu'un qui lui est un peu versé dans la conception de map et il y a des éditeurs finalement assez accessibles qui ne demandent pas à faire de code. Ça doit être des choses imaginables quand même. Et pour le coup, là, on pourrait imaginer travailler des espaces. Alors, pas nécessairement tout de suite dans une vue commerciale, en premier lieu à titre d'expérimentation, mais j'imagine que c'est quand même une perspective pas entièrement irréaliste. Alors oui, en effet, c'est pas du tout irréaliste. J'y ai bien essayé. Et je dis bien essayé. Parce qu'effectivement, la courbe d'apprentissage, elle est quand même assez cossue dès lors qu'on n'a pas les moyens d'avoir un professeur qui nous montre comment faire. Effectivement, quelqu'un qui sait utiliser ces logiciels va pouvoir réaliser une map assez rapidement, tout du moins aussi rapidement que nous, on réalise un modèle 3D dans nos logiciels d'architecture. Néanmoins, il y a pas mal de facteurs qui, pour le moment, ne permettent pas de rendre ça possible. C'est que, pour le moment, il n'y a pas de professeur qui enseigne la modélisation en jeu vidéo dans les écoles d'architecture. Deuxièmement, même si on arrivait, qu'on était assez doué là-dessus et qu'on arrivait à modéliser un jeu vidéo, pour qui ? Pour nous, architectes, mais nous, on le connaît, le projet. Il sort de notre tête, on sait à peu près ce qu'il vaut. Et en fait, voilà, c'est aussi qu'on n'a pas le public en face qui est encore assez sensible à ça. Donc, on peut le présenter à deux clients si jamais ils sont vraiment là-dedans, mais est-ce qu'ils vont prendre le temps d'y jouer deux semaines pour vous dire « Ah ouais, c'est bien optimisé, etc. » Non, en fait, là où le jeu vidéo est fort, c'est qu'il a sa démarche ludique et c'est pas viable en architecture d'avoir ce temps nécessaire pour comprendre. Je pense que le jeu vidéo, il sert vraiment d'outil théorique. Il va permettre de comprendre des modèles, de comprendre des façons d'organiser l'espace, mais on ne peut pas l'appliquer à chaque fois. Je pense que économiquement déjà, c'est difficilement viable. Et en plus, vraiment, voilà, aujourd'hui, on a un manque de public, c'est-à-dire que moi, jeune architecte, j'ai un peu plus de la vingtaine, j'adore les jeux vidéo, moi, ça me passionne à fond, sauf que je propose ça à des clients qui ont 45 ans, qui ont tout un tas d'idées ou de notions du jeu vidéo qui sont bien les leurs, ça va pas forcément marcher. Donc aujourd'hui, c'est pas applicable. Demain, c'est-à-dire demain dans quelques années, c'est difficilement applicable. Demain, dans 50 ans, quand toutes les générations auront déjà grandi avec le jeu vidéo, oui, peut-être. Oui, peut-être. Mais encore une fois, ce n'est pas un média qui est immédiat. Là où la maquette et les images parlent d'elles-mêmes rapidement, c'est-à-dire qu'un novice en architecture, il voit une maquette, il fait « Waouh, c'est beau, c'est cool, ça marche, ok, on va par là. » C'est des médias qui sont rapides dans la diffusion du message. Un film, c'est déjà un peu plus lent. Ça va falloir 2 heures, 3 heures pour les grands films pour faire passer un message. Le jeu vidéo, on n'est pas du tout sur la même échelle de temps. Pour faire passer un message à travers un jeu vidéo, même s'il n'y a pas d'histoire ni rien, il faut y jouer. Et pour ça, il faut y jouer et pas seulement 1 heure ou 2. Il faut vraiment y jouer. En fait, si j'essaie de m'avancer dans ce que tu dis, le jeu, enfin en tout cas le jeu vidéo en tant qu'objet, n'aurait pas d'avenir dans les cabinets d'architecture, mais ce serait peut-être plutôt l'inverse. Ce seraient plutôt les architectes qui auraient leur place dans la constitution de jeux vidéo, c'est ça ? Oui. Alors... Oui, en effet, parce que vraiment, si j'ai raconté mon expérience de comment le jeu vidéo m'a fait grandir un peu à travers plein de jeux cultes, Mario 64, Tomb Raider, etc., c'est pour montrer un phénomène qui, je pense, ne m'est pas propre. C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui beaucoup à avoir grandi avec le jeu vidéo et nous sommes de plus en plus nombreux à grandir avec le jeu vidéo. Même si on n'est pas pratiquant, on a tous vu quelqu'un jouer aux jeux vidéo, on sait ce que c'est. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu donnes une manette à n'importe qui, il sait ce que c'est qu'une manette, il sait ce que c'est qu'un jeu vidéo, il ne va pas te dire ça sert à repasser les vêtements, qu'est-ce que c'est ? Donc voilà, donc je pense que ça a un impact, on revient encore à la même chose, ça a un impact sociétal. Et ça a un impact vraiment fort sur comment on peut imaginer les espaces de demain. Et là, je vais sauter quelques pages à mon truc, parce que je trouve que ça tombe pile poil. C'est... Voilà, je vais reprendre encore des citations. C'est reparti. Elles sont plus sympas, celles-là. Alors voilà, je vais passer directement à celle-là. Donc c'est le concept d'artialisation d'Alain Roger. Donc il entend par artialisation le modelage de la réalité par les schémas artistiques à l'œuvre dans notre perception. Nous projetons sur les paysages réels des modèles latents issus de cette culture construisant une réalité dans une sorte de forgerie artistique. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire qu'on revient à la définition de l'espace ordinaire, c'est que l'espace qu'on perçoit, c'est l'espace physique plus une couche qu'on ramène dessus. Cette couche, c'est les codes, les règles de la société, mais c'est aussi les modèles latents qu'on connaît depuis longtemps, dans lesquels on a grandi, qui nous poussent à comprendre et à transposer et à faire des raccourcis dans notre tête. Et c'est pour ça que quand on voit un bâtiment en forme d'église, dans notre tête, on se dit « c'est une église, c'est pas un hôpital ». Et voilà, c'est des modèles latents. Et quand on voit qu'une part de plus en plus grande de la population grandit avec les jeux vidéo, a les jeux vidéo comme modèle latent, ces modèles ne peuvent que avoir une influence sur les espaces futurs. Donc comment on va les envisager, comment on va les projeter, mais aussi comment on va les imaginer. Je le vois, moi, dans ma pratique aujourd'hui, il y a des espaces où j'ai envie de me dire « Ah, j'ai envie de faire une école, et ben je vais faire comme dans cette carte de CSS, parce qu'on courait partout, on arrivait à se cacher, on arrivait à se voir les uns les autres, c'était super, je vais faire pareil en vrai. » Et ça, c'est mon cas, mais je ne pense pas être le seul. Et je pense que les bâtisseurs, les penseurs et les constructeurs des espaces de demain sont en partie, tout du moins, les joueurs d'aujourd'hui. Et donc, pour moi, il est là l'importance de l'implication de l'architecte dans les jeux vidéo. Alors, je ne dis pas que l'architecte doit à tout prix prendre le contrôle des jeux vidéo, mais je pense qu'il est intéressant pour un architecte de regarder un peu ce milieu-là, parce que ce milieu-là va influencer notre architecture de demain. Donc, ce que tu sous-entends là-dedans, c'est l'idée d'une culture peut-être commune, pas d'ailleurs, après, il y a aussi des cultures communautaires. Et je pense à ce que tu parles de code, voilà, j'aimerais reproduire dans une école une carte de Counter-Strike Source, donc c'est ça, donc le CSS pour traduire à nos auditeurs, on l'a pas précisé avant. Je vois par exemple dans le cinéma, on commence à retrouver des codes venant du jeu vidéo. Je pense notamment au film d'Edgar Wright qui a fait Scott Pilgrim vs. the World, World's End ou Le Dernier Pub Avant la Fin du Monde, qui sont calqués principalement sur des jeux de combat, avec l'idée de combat répétitif ou même de beat'em all, des jeux encore de combat. Est-ce qu'on commence à retrouver dans l'architecture des architectes qui commencent à avoir des petits codes comme ça, à l'instar du cinéma? Alors oui, tout à fait, mais j'irai pas jusqu'à dire qu'ils ont des codes venant du jeu vidéo. Je vais dire qu'ils ont des codes venant du monde numérique en général. Je pense notamment à l'architecture de l'agence 1024, qui est une agence d'architecture qui ont produit des projets vraiment, des projets éphémères, avec des structures métalliques éclairées par des néons souples. Donc ça paraît, voilà, un peu comme ça. Et en fait, leur projet étant éphémère, ils ont vraiment une conception spectaculaire de leur architecture, c'est-à-dire qu'ils ne construisent pas qu'un bâtiment. En plus du bâtiment, ils créent un programme qui va avec le bâtiment pour contrôler les lumières de l'environnement, ce qui fait que les espaces qu'ils créent, en fait, au bout, ils mettent une platine de DJ et ils mettent un joystick. Et à partir de là, ils jouent vraiment, ils jouent comme un jeu vidéo, mais ils jouent avec la lumière et dans un espace ordinaire, réel, tangible. et donc, du coup, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, cette histoire voilà, ils amènent des codes du numérique dans le réel, c'est-à-dire que ils vont envoyer des séries d'impulsions et voilà, et ça va impacter le bâtiment en vrai. Des données numériques comme combien d'énergie on consomme dans le bâtiment par minute, et ben on va avoir une retranscription visuelle sur leur structure avec les néons qui s'allument plus ou moins, qui passent, qui donnent des filets, etc. Ça reste, bon, voilà. On va pas dire que c'est le début du jeu vidéo dans l'architecture, non. Mais on a déjà une pointe de numérique qui arrive dans où le bâtiment n'est pas qu'un assemblage matériel. Il y a derrière, à chaque projet, il y a un programme qui est créé, il y a des impulsions et c'est quelque chose qui devient interactif. Pour moi, il est là aussi le grand point, ajout du jeu vidéo un peu dans notre société, c'est cette interaction, ce fait qu'on veut que les choses réagissent, on veut que les choses répondent à, immédiatement à ce qu'on est en train de vivre dans ces espaces. Et c'est comme ça que je vois le début, justement, de cette insertion-là. Est-ce que finalement, le développement de la domotique et le pilotage via application et smartphone, notamment, on permet pas déjà de rentrer dans... dans un espace doublement virtualisé, c'est-à-dire qu'au-delà des codes, on a en plus des circulations d'informations numériques qui permettent de modifier son environnement en étant sur place ou à distance, et presque sans l'usage de ses mains, finalement, comme on l'a souvent dans un jeu vidéo, on arrive aussi là à une relation à l'extérieur qui est encore un peu différente. Alors... Oui. Mais là, comme tu l'as dit, vraiment, c'est on virtualise l'espace. C'est-à-dire qu'on le rend plus accessible pour la pratique qu'on en a aujourd'hui. Là où je différencie avec 1024, c'est que 1024, en apportant cette interactivité, ce jeu, c'est que du coup, il change ta pratique réelle. C'est-à-dire que quand tu vas passer devant un mur qui va s'illuminer à ton passage, eh ben, tu vas passer, tu vas repasser, tu vas danser devant, etc. Et donc, du coup, le virtuel va modifier ta pratique réelle. Dans la domotique, au contraire, non. Toute l'insertion du virtuel, c'est fait pour qu'on en ait le moins à faire possible. Et c'est pas parce que notre volet s'ouvre d'un claquement de main ou en appuyant sur un bouton que ça va changer notre pratique du fait d'ouvrir les volets. Effectivement, si. Dans un sens, on peut dire que si, parce que je me vois bien enfant de 3 ans dans une maison pleine de domotique. Ben, je vais m'amuser à clapper des mains tout le temps pour que les rideaux s'ouvrent ou se ferment. Sauf qu'on n'a pas tout le temps 3 ans, malheureusement. Et du coup, voilà, du coup, ça reste de la virtualisation, ça reste de l'outil. Et on n'est pas sur une modification réelle de l'espace comme on l'entend. Je vais continuer du coup dans les questions cons. Pour reprendre cette idée de version virtuelle d'un bâtiment réel, avant même la construction de bâtiments qu'on puisse circuler et observer, alors on voit bien que dans le cadre de bâtiments privatifs, l'usage est pas encore là et le temps est trop... Enfin, il y a des problématiques de temporalité qui sont complexes. Tu évoques aussi tout de même la possibilité de faire des choses à peu près équivalentes dans des lieux publics. Je pense à des gares, à des musées, des choses comme ça. Des lieux où le temps conception-construction, appel d'offres est significativement plus long. Des lieux où... on peut plus facilement envisager de mettre à disposition du public, avant même la construction du bâtiment, une version virtuelle à visiter, à parcourir, et aussi, du coup, un avantage coexistant qui est que ça permet de visualiser les flux de circulation des individus, les mouvements de foule. Et j'imagine qu'avec des... Alors là, je me projette beaucoup, mais j'imagine qu'avec des plateformes déjà existantes comme Second World, on a en plus un public déjà présent, un lieu déjà existant qu'on peut arranger, qu'on peut modéliser pour justement... peut-être préparer ou faire découvrir à un public des bâtiments qui eux-mêmes ont une vocation publique. Alors oui, tout à fait, et c'est là où on est le plus proche de vraiment utiliser le jeu vidéo dans l'architecture, c'est justement pour ces grands bâtiments. On a déjà l'exemple, c'est déjà utilisé, je pense à l'architecte Big, qui est donc l'agence Big, qui ont fait un projet, c'est la Water Cultural House, il me semble. Donc en fait, ils ont... Mais en fait, ça s'est passé à l'envers. Ils ont fait leur projet en entier, ils ont voulu l'installer dans une ville, raison économique, ils n'ont pas pu. Ils ont voulu l'installer dans une autre ville, raison économique, ils n'ont pas pu. Etc. Ils ont fait pas mal de villes comme ça, ils avaient toujours leur projet était fini, léché, propre. Et ils n'arrivaient pas à l'installer. Ils se sont dit, bon, bah, plutôt que d'avoir perdu du temps à créer un projet, on va le mettre en jeu vidéo. Et ils l'ont mis sur, devinez bien, Counter-Strike Source. Et donc voilà. Et donc du coup, ils se sont dit, bon, bah voilà, qu'est-ce que ça donne un bâtiment sur Counter-Strike Source? Et donc du coup, ils ont pu voir que le jeu vidéo permettait effectivement de vérifier ce coup-ci l'architecture, c'est-à-dire, ah ouais, effectivement, la jouabilité est vraiment bien dans la map. C'est-à-dire que l'efficacité de l'espace concret est bon. C'est-à-dire que ça marche. C'est-à-dire que là où le jeu est affordant, c'est-à-dire qu'on va savoir dans quelle pièce aller pour se cacher, dans quelle pièce aller pour se montrer, l'espace réel, s'il est similaire, va être lui complètement lisible. C'est-à-dire que je vais savoir où me diriger pour aller dans le grand bain et je vais savoir où me diriger pour aller dans les vestiaires. Donc là, c'est un parallèle qui m'excite aussi. Genre, j'ai envie de faire ce genre de truc. Et effectivement, là, ils l'ont fait eux après coup et il n'y a plus que la démarche inverse à faire, à dire, bon, bah, on le fait avant. Et effectivement, ça, c'est possible dans des grandes boîtes pour des grands projets. De là à dire que c'est possible pour tout le monde, non. Il y a un fossé entre l'agence Big et la grande majorité des architectes. C'est qu'ils ont la renommée, ils ont les clients derrière, et ils ont un cabinet qui permet... Ils ont fait un jeu, mais ils n'y ont joué que à eux. Et ça suffisait, ils étaient déjà une cinquantaine de joueurs, je ne sais pas, mais ça suffit effectivement pour tester un jeu. Et voilà, donc, appliquer ça à grande échelle, j'ai des doutes. Appliquer ça sur des cas particuliers, oui, c'est possible. Et c'est le genre d'action que j'ai envie de mener dans ma vie d'architecte plus tard. Si j'en ai les moyens, ce serait... oui, ce serait génial, parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, donner un accès virtuel à un bâtiment comme une bêta d'un projet, ce serait... Mais oui, ce serait génial. On parle toujours d'architecture participative, on fait participer les habitants au projet, etc. Et ce serait vraiment ça. Ce serait un projet bêta. Et c'est... Oui. Ce cas précis m'évoque une chose qui est assez intéressante, c'est la gestion des données dans les jeux vidéo et aussi dans la domotique d'ailleurs. Les outils numériques ont cette particularité qu'ils produisent des données, ils nous font produire des données sans qu'on le sache. Et dans le cas du jeu vidéo, particulièrement du FPS quand ils sont compétitifs, en fait on produit des données, et c'est-à-dire que par exemple, quand on joue maintenant à Counter-Strike en ligne ou n'importe quel jeu de tir, Call of Duty, Battlefield, etc., l'éditeur peut savoir où vont les gens, où est-ce qu'ils visent, à quel degré de hauteur ils visent, etc. Et en fait, il se sert de ces données pour faire des corrections, voire même faire de nouvelles maps, plus optimisées aux joueurs. Quelles sont justement les données que manipulent les architectes? Puisqu'on se rend compte qu'au final il y a assez peu de feedback possible et de correctifs possibles. Je vois encore hier, je discutais avec des amis bibliothécaires et qui râlaient sur « Ah tiens, notre bâtiment il est pensé pour l'accueil du public et c'est très bien, par contre il n'est pas pensé pour les professionnels qui sont là tous les jours et qui doivent gérer d'autres flux que celui du public. » Et tout à fait, et c'est pour ça que c'est un métier assez compliqué. Mais par contre, dans ce que tu as dit avant, des concepteurs qui créent de nouvelles cartes en fonction des données, j'ai envie de dire, c'est plus des concepteurs, c'est des architectes du jeu vidéo. Et c'est là où je trouve que c'est vraiment intéressant. Effectivement, on exploite de plus en plus les données, et ça commence à arriver en architecture avec, par exemple, l'apparition du modèle qu'on appelle le modèle BIM. Donc, il y a un modèle informatique maintenant qui permet de partager vraiment un modèle 3D entre plusieurs entreprises, mais qui permet aussi, via certains logiciels, de faire de... Je n'ai plus le terme exact. Bref, en gros, c'est construire des espaces à partir de données pures. Et en fait, on va dire, l'ensoleillement, il est de temps, et on va donner une façade, et on va dire au carreau de s'ouvrir en fonction de la dose de soleil qu'ils reçoivent. Et du coup, on crée virtuellement vraiment notre façade. On la dessine plus à la main. Elle est issue de données. Et quand on voit qu'on peut sortir des espaces à partir de données, et quand on voit les données que peuvent produire un jeu vidéo sur un espace, on a envie de mettre les deux ensemble. C'est sûr. Ensuite, je me rappelle plus très bien la question. C'était sur quels sont les feedbacks, les retours qu'un architecte peut avoir et éventuellement les correctifs, si c'est possible, même si j'en doute. Et généralement, non, il n'y a pas de correctif. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on pense tout à l'avance. Et c'est pour ça qu'un projet, ça ne met pas 2 semaines à sortir. C'est pour ça qu'un projet, ça met 6 mois à sortir, et ce, pour 2 personnes. Donc on imagine déjà le temps que les développeurs mettent à créer un jeu vidéo et qu'ils le corrigent ensuite. Et effectivement, c'est très bien, mais ça c'est normal, c'est parce qu'ils s'adressent à pas deux personnes, ils s'adressent à des millions de personnes, donc il faut que ça corresponde à tout le monde. Nous, on a la chance de s'adresser généralement pas à des millions de personnes, à moins de créer des stades, etc. Et là, c'est des projets très très longs, qui mettent souvent plus que 2 ans à sortir. Mais effectivement, voilà, le problème, c'est que le seul feedback qu'on a, ça va être les clients, ça va être de comment ils vivent, et ça va être pour les prochains projets. Et alors souvent, en fait, ce qu'on a, c'est du feedback anticipé, si je peux dire ça, c'est qu'on travaille généralement sur la majeure partie sur l'existence des gens qui ont déjà vécu dans une maison. Et quand ils arrivent, ils nous disent les défauts de leur maison et ce qu'ils veulent pas. Et du coup, on peut anticiper leurs besoins futurs. Mais sur les feedbacks, souvent, ça se fait d'un projet à l'autre. C'est-à-dire que quand dans un projet, on voit qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché, eh ben, on ne peut pas le corriger. Parce que péter du béton, c'est pas aussi facile que mettre un patch. Donc souvent, voilà. Et c'est pour ça qu'on ne fait pas un bâtiment tout seul. C'est pour ça qu'on est chargé avec des bureaux d'études, des bureaux de structure. C'est pour ça qu'on est plusieurs architectes dans une agence. C'est pour ça qu'on a les maçons qui nous disent que là, on fait n'importe quoi. Et c'est pour ça qu'on s'en prend plein les dents aussi tout le temps. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Mais c'est là où c'est grisant. C'est que c'est un art d'arriver à travers toutes les contraintes, à arriver à quelque chose de beau, qui soit fonctionnel et qui plaise aux gens et que les gens se disent « Ah, ici, c'est chez moi. Faire le chez moi de quelqu'un d'autre, c'est grisant. » Mais effectivement, pour arriver jusque-là, il faut quand même accepter les critiques telles qu'elles sont. C'est-à-dire que des fois, on se plante. On fait des trucs cons. Et la plupart des gens ont cette idée-là de l'architecte qui fait n'importe quoi. Et c'est pas qu'on fait n'importe quoi, c'est qu'on fait quelque chose de très complexe. En parlant de critique, on a pas mal parlé de ton mémoire, mais du coup, toutes ces idées, puis ce travail que tu as produit sur ton mémoire, ça a été quoi la réception et tes enseignants et puis éventuellement d'autres architectes qui ont pu en avoir connaissance ou avec qui t'as pu en discuter? Et bah, contrairement à mon appréhension, c'était assez bien reçu, même plutôt bien reçu, parce que donc du coup ceux qui m'ont corrigé m'ont plutôt avoué ne s'y être jamais intéressé et trouvaient ça plutôt intéressant, donc c'est motivant. C'est intéressant. J'ai eu la chance d'avoir un professeur correcteur qui était professeur d'art plastique et plasticien, danseur, et qui était vraiment très ouvert, mais aussi très critique, qui m'a permis justement, il n'y connaissait pas grand-chose, voire rien du tout en jeu vidéo, mais il n'était au moins très ouvert à tous les sujets, et il m'a vraiment permis d'affiner justement ce travail-là, et de me rendre compte que... une réflexion et un enthousiasme qu'on a quand on est joueur, ça peut être parfois négatif aussi, parce qu'on a envie de dire « Non, non, non, le jeu vidéo, c'est super bien, il faut l'appliquer, ça n'a que des points positifs. » Non. Il m'a permis de me rendre compte de la réalité du jeu vidéo, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas du tout impartial, qui n'est pas du tout neutre, et que ça influence la manière dont on travaille, et qu'on ne crée pas les mêmes choses, et qu'on fait des fautes qu'on ne ferait pas d'habitude, parce qu'on pense pour le jeu vidéo. Donc je le remercie pour ça. Et il m'a permis aussi de me rendre compte aussi du coup, en faisant ce travail sur le jeu vidéo, à dire quels sont vraiment, vraiment concrètement les points positifs et les points négatifs qu'il y a, à me rendre compte aussi des points positifs et négatifs qu'il y a dans les autres médias. Et de voir l'influence qu'un média peut avoir sur notre architecture. Là-dessus, j'ai un bon exemple, c'est Frank Gehry, un architecte assez connu qui a construit la fondation Louis Vuitton, qui a été inaugurée récemment à Paris. Et en fait, cet architecte utilise un logiciel qui s'appelle Katia, qui a été développé par son entreprise, Gehry Technologies, et qui est à la base un logiciel d'aéronautique, donc qui est fait pour calculer des courbes, des angles et des choses rondes, quoi. Et ça a énormément influencé son architecture. Son architecture est composée de ces formes. En fait, c'est une influence mutuelle, forcément, puisqu'il a modifié l'outil. Et l'outil à modifier sa façon dont il a travaillé l'architecture. Encore une fois, ça, c'est mon interprétation. D'autres spécialistes de l'architecture pourront dire que non. Moi, je le vois comme ça pour le moment. C'est qu'il a, il a modelé l'outil en fonction de ce qu'il voulait faire, mais l'outil a aussi modelé son, son architecture par ses capacités. Parce que chaque média, comme je l'ai dit tout à l'heure, souligne des caractéristiques et du coup amplifie ces caractéristiques. Et je pense que du coup, le choix d'un média dans un projet architectural, mais le choix d'un média pour faire passer n'importe quel message, qu'il soit politique, qu'il soit un message philosophique, n'est pas quelque chose de, d'impartial. Ça fait partie de la démarche. Finalement, on a parlé à plusieurs reprises de concepteurs de jeux vidéo. Alors, ça touche aussi à d'autres jeux. Hein. J'évoquais un peu avant l'enregistrement du podcast la publication de John Grumpf, Les plans sur la tomate, qui est un petit bouquin disponible sur, sur Lulu, qui ne contient que des architectures et qui est là pour le coup une collection d'aides de jeu pour du jeu de rôle. Puisque c'est vrai qu'en jeu de rôle, on utilise les plans, que ce soit les plans de donjon, quand même, ça fait un petit moment, et puis les plans de bâtiment en règle générale. En jeu de société, on a évoqué ton début dans les Lego antécédemment, et puis quand tu parlais de maquettes, je ne pouvais pas m'empêcher de penser aussi aux maisons de poupées, tout simplement. Y a quand même un parallèle qui me semble évident. Et puis, il y a toutes les circulations sur des plateaux un peu labyrinthiques, comme on peut en trouver aussi, certes en jeux vidéo, mais aussi beaucoup en jeux de société. En tout cas, tout ça touche quelque part à la conception de jeu de façon générale et à un métier en particulier qu'on appelle le level design, qui est vraiment la conception de plateau, de map, hein, dans le cas d'un FPS. Je pense que tous nos auditeurs doivent voir à peu près ce que c'est maintenant FPS, un jeu de tir à la première personne. Toi, avec ton recul d'architecte et ta pratique de joueur, si tu avais trois conseils à donner à quelqu'un qui veut devenir level designer, quelqu'un qui pour le coup, lui, a une approche jeu, mais pas encore une approche architecturale, quels conseils tu aurais à lui donner ? Eh ben, c'est un conseil qui peut me valoir pas mal de critiques, mais c'est d'arrêter de jouer. Ça me fait mal de dire ça personnellement, mais c'est d'arrêter de jouer aux jeux vidéo et d'essayer de s'en détacher. Et d'essayer de pratiquer l'espace commun et d'y voir dans l'espace commun, parce que l'espace commun est une source intarissable de références. Mais tout, l'escalier de ta grand-mère, les toilettes de ton oncle, l'entrée de la gare, tout peut faire référence et on peut comprendre tout, on peut avoir tout type d'espace rien que dans sa ville. Donc déjà, enfin voilà. Après, je ne connais pas l'entièreté du travail de level designer, mais pour moi, pour comprendre l'espace, il faut aussi y aller, il faut aussi expérimenter et se détacher de la vision ludique, de la vision téléotopique qu'a le jeu vidéo, c'est-à-dire que tout espace doit être créé pour un but. Et c'est aussi une des grandes différences entre l'espace du jeu vidéo et l'espace de l'architecture, c'est que des fois, on fait des espaces qui servent à rien. Ça me fait mal à dire aussi en tant qu'architecte, mais mais voilà, la réalité des choses, c'est qu'il y a des espaces, ils n'ont pas de fonction, c'est des résidus, ils sont là. Il y a aussi des résidus en jeu vidéo, mais généralement, à part certains hardcore gamers, on n'y a pas accès. Donc voilà, il faut essayer aussi de se détacher de cette vision hyper orientée du jeu vidéo qui est inscrit dans une histoire, qui est inscrit dans un gameplay, et il faut essayer de vraiment voir l'espace comme il est. C'est-à-dire, c'est quoi un grand espace, et pas seulement un espace pour faire voler des dragons, mais vraiment, c'est quoi un espace majestueux, et c'est en se faisant des références pratiques, sensibles, qu'on va pouvoir ensuite projeter ses sentiments, projeter ses expressions, projeter ses ressentis dans un espace vidéoludique. Merci beaucoup pour ces bons conseils. J'aime bien. Je trouve que c'est pas mal d'avoir quelques conseils pour les suivants quand on arrive en bout de podcast. On a toujours une question. Je vais laisser la main à Adrien pour qu'il la pose, parce qu'on a quand même quelques atavismes maintenant. Au bout de 23 numéros, on commence à, je dirais pas dire son compté, mais en tout cas prendre nos habitudes. Et pour le coup, cette habitude-là, je vais la laisser à Adrien. Et oui, effectivement, j'allais dire, on commence à se faire vieux, peut-être pas non plus. 23 podcasts, c'est pas tant que ça non plus. Allez, on va dire ça pour te rassurer. Donc la dernière question traditionnelle, elle est toute simple, puisque c'est en ce moment, à quoi tu joues ? Ou peut-être, qu'est-ce que tu construis, tiens ? Ça pourrait être une bonne occasion. Ce que je construis, pas très intéressant, je construis des appartements. Enfin, si, je construis un autre projet intéressant à Rennes. Pour tous les avis, pour tous les intéressés, c'est un bar dont je viens de zapper le nom à l'instant, et donc là c'est Le Gros Blanc en direct, et bref c'est un bar échangiste sadomaso dans le centre de Rennes, donc si vous voulez y aller c'est très intéressant, architecturalement c'est vraiment drôle, parce qu'on change complètement de ce qu'on fait d'habitude, c'est très perturbant mais c'est très drôle. Et à quoi je joue en ce moment ? Je viens d'avoir une panne de PC, du coup je joue sur portable et je joue à Lara Croft, petit puzzle que je trouve très intéressant, qui permet de penser vraiment, enfin j'aime bien tout ce qui est petite énigme et à se déplacer un peu dans l'espace, anticiper les mouvements, enfin, je trouve ça très intéressant. Et sinon en ce moment je rejoue à Minecraft. Lara Croft Go, qui on le précisera, a eu la récompense de meilleur jeu de l'année cette année sur iOS, en tout cas pour l'année 2015, pas cette année, l'année passée évidemment, puisque nous sommes en 2016, et que c'est ainsi que se termine le premier numéro de Ludologie pour 2016. On aura évidemment d'autres dans les semaines à venir. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve au numéro 24. On sera un peu plus vieux, un peu plus sage. Et puis d'ici là, restez curieux. N'oubliez pas de jouer, expérimenter, voyager, déplacez-vous et regardez autour de vous.